Chapitre 16e. Le monstre cessa de parler et fixa les yeux sur moi, dans l'attente d'une réponse. Mais j'étais troublé, hors de moi, et incapable de recueillir assez mes idées pour comprendre toute l'étendue de sa proposition. Il continua. Il faut me créer une femme, avec qui je puisse vivre dans l'échange de ces sentiments nécessaires à mon existence. Vous seul pouvez le faire, et je vous le demande comme un droit que vous ne devez pas refuser. La dernière partie de son histoire avait rallumé dans mon cœur la colère qui s'était apaisée pendant le récit de sa vie paisible parmi les habitants de la chaumière. Et lorsqu'il prononça ces derniers mots, je ne pus contenir plus longtemps la fureur qui me consumait. « Je refuse !» répondis-je. « Et aucun supplice n'arrachera jamais mon consentement. Tu peux me rendre le plus malheureux des hommes, mais tu ne m'avileras jamais à mes propres yeux. » Irais-je créer un autre être semblable à toi-même et dont la méchanceté, jointe à la tienne, désolerait le monde? Éloigne-toi, je t'ai répondu. Tu peux me torturer, mais je ne consentirai jamais à ta demande. Vous avez tort, répliqua le démon, et au lieu de me servir de menace, je me contenterai de raisonner avec vous. Je suis méchant parce que je suis malheureux. Ne suis-je pas abandonné et haï par toute l'espèce humaine? Vous, mon créateur, si vous me mettiez en pièces, vous en triompheriez. Souvenez-vous-en, et dites-moi pourquoi j'aurais pour l'homme plus de pitié qu'il ne m'en témoigne. Vous ne croiriez pas commettre un meurtre, si me précipitant dans un de ces abîmes de glace, vous me faisiez périr, moi, l'ouvrage de vos mains. Respecterai-je l'homme lorsqu'il me méprise? Faites-le vivre avec moi dans un échange de bonté, et au lieu de lui nuire, je lui ferai toutes sortes de biens, en pleurant de reconnaissance de ce qu'il veut bien les accepter. Mais il n'en saurait être ainsi. Les sens humains sont des barrières insurmontables à notre union. Cependant, les miens ne se soumettront pas à un esclavage honteux. Je vengerai mes injures. Si je ne puis inspirer l'amour, j'inspirerai la crainte. Et c'est surtout à vous, mon plus grand ennemi, parce que vous êtes mon créateur, que je jure une haine éternelle. Prenez-y garde! Je travaillerai à votre destruction et je ne m'arrêterai pas que je n'ai désolé votre cœur de manière à ce que vous maudissiez l'heure de votre naissance. » Une rage infernale l'animait en prononçant ces paroles. Sa figure se ridait en contorsions, si horribles pour que des yeux humains puissent la regarder, mais il se calma promptement et il ajouta. « Je voulais raisonner, mais mon emportement s'y oppose. Et cependant vous ne réfléchissez pas que vous êtes la cause de ces excès. Si un être quelconque éprouvait pour moi quelques émotions de bienveillance, je la lui rendrais au centuple. Pour cet amour d'une seule créature, je ferais la paix avec l'espèce entière. Mais je vois que je me laisse aller à des rêves de bonheur qui ne peuvent se réaliser. Ce que je vous demande est raisonnable et modéré. Je veux une créature d'un autre sexe, mais aussi hideuse que moi. Ce présent est faible, mais c'est tout ce que je puis recevoir, et je serai content. Il est vrai que nous serons des monstres séparés du monde entier, mais nous en serons plus attachés l'un à l'autre. Nous ne vivrons pas heureux, mais nous serons innocents, et à l'abri du malheur que j'éprouve maintenant. Ah, mon Créateur, rendez-moi heureux, qu'un seul bienfait me permet de vous exprimer ma reconnaissance. Laissez-moi connaître le plaisir de toucher le cœur d'un être existant. Ne me refusez pas ce que je vous demande. » Je fus touché. Je frissonnais en pensant aux conséquences que pourrait avoir mon consentement. Mais je sentis que ses raisonnements étaient assez justes. Son histoire et les sentiments qu'il exprimait dans ce moment prouvaient quelque délicatesse. D'ailleurs, ne lui devais-je pas, à titre de créateur, toute la portion de bonheur qu'il était en mon pouvoir de lui accorder? Il remarqua un changement dans ce que j'éprouvais et il poursuivit. Si vous consentez à ma demande, je ne paraîtrai jamais ni devant vous, ni devant aucun être humain. J'irai dans les vastes déserts de l'Amérique méridionale. Ma nourriture n'est pas celle de l'homme. Je n'égorge ni l'agneau ni le chevreau pour assouvir mon appétit. Les glands et les graines me suffisent. Ma compagne sera de la même nature que moi et se contentera de la même manière de vivre. Les feuilles sèches nous serviront de lit. Le soleil brillera pour nous comme pour l'homme. Et mûrira notre nourriture. Le tableau que je vous présente est une image de paix et d'humanité. Vous devez sentir que vous ne pourriez contrarier mes vœux que par abus de pouvoir et par cruauté. Tout à l'heure, vous avez été sans pitié pour moi. Je lis maintenant la compassion dans mon regard. Laissez-moi saisir le moment favorable. Laissez-moi obtenir la promesse de ce que je désire si ardemment. Tu te proposes, répondis-je, de t'éloigner de la demeure des hommes, de vivre dans ces déserts où tu n'auras d'autre société que celle des bêtes féroces. Comment pourras-tu persévérer dans cet exil, toi qui désires l'amour et la sympathie de l'homme? Tu reviendras rechercher encore leur amitié, et tu ne trouveras que leur haine. Ta passion du mal se renouvellera, et tu auras alors une compagne pour t'aider à détruire. Cela ne se peut pas. Ne m'en parle plus, je ne puis consentir. Quelle inconstance dans vos sentiments! Il n'y a qu'un moment vous étiez ému par mes raisonnements. Pourquoi vous endurcissez-vous contre mes plaintes? Je vous jure, par la terre que j'habite et par vous-même qui m'avez créé, que je quitterai avec la compagne que vous me donnerez le voisinage de l'homme, et que nous irons habiter dans le lieu le plus sauvage. Je ne serai plus animé par le mal, car je connaîtrai la sympathie. Ma vie s'écoulera tranquillement, et à mes derniers moments, je ne maudirai pas mon Créateur. Ces mots eurent un étrange effet sur moi. J'avais pitié de lui, et en même temps, je voulais le consoler. Mais lorsque je le regardais, quand je voyais sa masse difforme ballottée au moment où il prenait la parole, mon cœur se soulevait, et je me sentais horrifié et dégoûté. J'essayais de chasser ces sensations. Je pensais que si je pouvais éprouver de la sympathie pour lui, je n'avais pas le droit de lui refuser non plus ce maigre bonheur qu'il était en mon pouvoir de lui accorder. « Tu jures, dis-je, que tu seras bon. Tu t'es déjà montré si malicieux que j'ai naturellement toutes les raisons de me méfier de toi. Et si tout cela était une feinte, destinée à accroître ton triomphe et à précipiter ta soif de vengeance, comment cela? Je ne veux pas qu'on se moque de moi, et j'exige une réponse. Si je n'ai ni attache ni affection, la haine et le vice seront mon lot. L'amour annihilerait la cause de mes crimes, et je deviendrais une créature dont l'existence serait ignorée de tous. Mes vices sont les fruits de cette solitude forcée que j'aborde. Les vertus grandiront nécessairement en moi, lorsque je vivrai en communion avec une de mes semblables. J'éprouverai les sentiments d'un être sensible, et je ferai alors partie, au lieu d'en être exclu, du processus ordinaire de l'existence. » Je pris le temps de réfléchir à tout ce qu'il venait de développer et aux divers arguments auxquels il avait recouru. Je songeais qu'il avait eu au début de son existence quelques qualités et que par la suite celle-ci avait subi un choc à cause du mépris que lui avaient manifesté ses protecteurs. Dans mes calculs, je ne pouvais pas ne pas tenir compte de sa force et de ses menaces. Une créature qui était capable de vivre parmi les glaciers et de fuir le long des précipices inaccessibles possédait un pouvoir contre lequel il était vain de lutter. Après avoir longuement médité, je conclus qu'en toute justice, je devais aussi bien pour lui que pour tous mes semblables répondre favorablement à sa requête. Aussi, je me tournai vers lui pour lui dire « J'accepte ce que tu me demandes, à condition que tu me jures formellement de quitter l'Europe pour toujours, ainsi que tout lieu où il y aurait des hommes, une fois que je t'aurai donné cette femme qui t'accompagnera dans ton exil. Je le jure, cria-t-il, par le soleil, par le ciel, par le feu de l'amour qui me consume le cœur, que si tu exauces ma prière, jamais plus tu ne me reverras. Rentre donc dans ta maison, commence ton travail. J'en attendrai le résultat avec une angoisse immense, mais n'aie pas peur, quand tout sera prêt, je ferai mon apparition. » Sur ces mots, il me quitta précipitamment, craignant sans doute que je ne change d'avis. Je le vis descendre la montagne à toute vitesse, tel un aigle qui volait, et disparaître rapidement parmi les ondulations de la mer de glace. Son récit avait occupé une journée entière et le soleil touchait déjà l'horizon quand il partit. Je savais que je devais me dépêcher de rejoindre la vallée, si je ne voulais pas être surpris par les ténèbres. Mais j'avais le cœur lourd et ma démarche était lente. Je peinais sur les petits sentiers montagneux, mes pas manquaient de fermeté, tant j'étais indécis, remué par tous les événements de la journée. La nuit était déjà fort avancée, lorsque je parvins au refuge situé à mi-route et je m'assis auprès d'une fontaine. De loin en loin, au milieu des nuages qui passaient, brillaient les étoiles. Des sapins sombres se dressaient devant moi et par places, les arbres déracinés jonchaient le sol. C'était un spectacle d'une solennité extraordinaire qui m'arracha des pensées étranges. Je pleurais amèrement. Angoissé, je joignis les mains et m'écriai « Oh, étoiles, nuages, vents, vous vous moquez tous de moi. Si vous me prenez en pitié, débarrassez-moi de toute sensation, de toute mémoire, réduisez-moi à néant. » Sinon, partez, partez, et laissez-moi parmi les ténèbres !» C'étaient des pensées misérables et ridicules, mais j'ai du mal à vous dire combien j'étais accablé par la vue de ces étoiles qui scintillaient sans relâche alors que soufflaient les rafales de vent, comme si c'était un violent sirocco qui allait me consumer. Il faisait jour quand j'arrivai au village de Chamonix. Je ne pris aucun repos et me rendis immédiatement à Genève. Même au plus profond de mon cœur, je ne pouvais pas interpréter mes sentiments. Ils m'écrasaient, comme le poids d'une montagne, et leurs excès étouffaient ma détresse. Tel était mon état d'esprit en rentrant chez moi. Je pénétrai dans la maison et me présentai à ma famille. Mon air hagard, abattu, provoqua une forte émotion, mais je ne répondis à aucune question et parlai à peine. J'avais le sentiment d'être mis au banc de la société, comme si je n'avais plus le droit de réclamer de l'affection, comme si jamais plus je ne pouvais partager la joie des miens. Et pourtant, même à ce moment-là, je les adorais. Pour les sauver, je décidai de me consacrer à l'œuvre la plus abominable qui fût. La perspective de cette tâche me remettait en mémoire, comme dans un rêve, les événements de la veille, et cette pensée seule était pour moi toute la réalité de la vie. Ainsi s'achève le tome deuxième de Frankenstein ou le Prométhée moderne par Marie Shelley.